Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. De la pénitence, suite. Explication. Nous allons maintenant traiter du sujet de la pénitence, du pouvoir des clés et du rite solennel de la pénitence. Le pouvoir des clés comprend le pouvoir des clés en général, l'excommunication et les indulgences. Le pouvoir des clés existe, ses effets, ses ministres, ses sujets. Nature de l'excommunication, auteur et sujet, règles sur la communication avec les excommuniés, absolution de l'excommunication. Les indulgences en elles-mêmes, qui peut les accorder, qui peut les gagner. Rite solennel de la pénitence. Question 16. Du sujet de la pénitence. On examine si les innocents, les saints et les anges sont susceptibles de la vertu de pénitence. 1. La vertu de pénitence peut-elle convenir à ceux qui sont innocents? Ceux qui sont dans l'état d'innocence n'ont point de péché qui puisse servir de matière à la pénitence. Ainsi, ils n'ont pas lieu d'en exercer les actes. Mais, susceptibles de péché, ils peuvent avoir la pénitence comme habitude, et ils l'ont, en effet, par la grâce sanctifiante qui communique à l'homme toutes les vertus en même temps. Tel un indigent peut avoir la vertu de magnificence comme habitude, quoiqu'il ne lui soit pas donné d'en exercer les actes, faute de moyens. 2. Les saints qui sont dans la gloire ont-ils la vertu de pénitence? La vertu de pénitence, faisant partie de la justice, vertu cardinale, subsistera, comme ici-bas, dans la vie future, avec cette différence que ces actes ne seront plus les mêmes. Ils consisteront alors dans des actions de grâce rendues à Dieu pour sa miséricordieuse bonté qui pardonne les péchés. 3. Les anges sont-ils susceptibles de la vertu de pénitence? La pénitence, comme repentir, ne se rencontre point dans les bons anges, qui n'ont commis aucun péché. Elle existe, comme telle, d'une certaine façon, dans les démons, dont la nature n'a pas été tellement altérée qu'elle soit absolument incapable de haïr le mal, mais, en tant que vertu, elle leur est impossible, leur péché n'étant susceptible ni d'expiation, ni de pardon. Les anges, en un mot, n'ont point, à proprement parler, la vertu de pénitence. Question 17. Existence du pouvoir des clés. Il y a dans l'Église un pouvoir des clés. Ces clés consistent dans le pouvoir de lier et de délier. Pourquoi notre Seigneur promettait à saint Pierre les clés, et non pas seulement la clé du royaume des cieux? 1. Y a-t-il des clés dans l'Église? Jésus-Christ a dit à saint Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Matthieu 16, 19. Il y a donc dans l'Église un pouvoir des clés, et, en effet, si tout dispensateur possède la clé des biens qu'il distribue, les ministres de l'Église doivent avoir celle des mystères divins, dont, selon saint Paul, ils sont les dispensateurs. 1 Corinthiens 4, 1. Une clé, dans le sens matériel, sert à ouvrir une porte. La porte du ciel nous étant fermée par le péché, tant à cause de la tâche produite dans l'âme qu'à cause de la peine méritée, le nom de clé convient au pouvoir qui lève un tel obstacle. Dans la Trinité divine, où ce pouvoir est souverain, il s'appelle la clé d'autorité. Dans Jésus-Christ considéré comme homme, où il avait pour attribution d'écarter le péché par le mérite seul de la passion qui nous ouvre aussi la porte, il est appelé par quelques-uns la clé d'excellence. Mais, comme le côté du Sauveur, étendu sur la croix, fut ouvert pour communiquer au sacrement qui en formait l'Église la vertu de sa passion, les ministres de l'Église, dispensateurs des sacrements, tiennent aussi, non de leur vertu propre, mais de la vertu de Dieu et de la passion du Christ, un certain pouvoir d'écarter l'obstacle du péché, et ce pouvoir, nous l'appelons, par figure, la clé de l'Église ou la clé ministérielle. L'Église a donc une clé. Note. Le ciel est toujours ouvert, mais les pécheurs eux-mêmes mettent obstacle à ce qu'ils puissent y entrer, de là le besoin pour eux de recourir au sacrement et au ministère des clés. Il convient mieux d'attribuer à l'Église la clé du ciel que celle de l'enfer, car, par la clé du ciel, on entend le pouvoir de remettre non seulement la peine éternelle, mais encore les peines temporelles qui s'opposent à l'entrée immédiate dans le royaume des cieux. Après tout, si la clé du ciel est la même que celle de l'enfer, il vaut mieux la désigner par son usage le plus digne. Fin de la note. 2. La clé a-t-elle le pouvoir de lier et de délier? On peut définir la clé de l'Église, le pouvoir de lier et de délier, dont le juge ecclésiastique fait usage pour recevoir dans le royaume des cieux ceux qui en sont dignes et en exclure les indignes. En effet, l'exercice de la puissance confiée à l'Église ne consiste pas à ouvrir en général le ciel, qui, comme nous l'avons dit, est toujours ouvert, mais il consiste à l'ouvrir pour celui-ci ou pour celui-là, ce qui ne peut se faire régulièrement qu'après avoir pris connaissance de l'état spirituel de ceux qu'il s'agit d'y introduire. Notre définition, exprimant donc d'abord le genre de la chose, dit que c'est un pouvoir. Elle en désigne le sujet, qui est le juge ecclésiastique, puis elle mentionne l'exercice de ce pouvoir, qui consiste à exclure et à recevoir, double effet correspondant à celui d'une clé qui ouvre et qui ferme. Elle indique le royaume des cieux comme objet de cet exercice, et trace enfin par ces mots, dignes et indignes, la règle à suivre. Note. Le pouvoir des clés, conféré avec le sacerdoce, a besoin, pour être exercé, d'une matière légitime qui lui soit soumise. Cette matière, ce sont les sujets sur lesquels on a juridiction. Avant d'avoir reçu la juridiction, le prêtre possède le pouvoir des clés, mais il ne lui est pas possible de le réduire à l'acte. C'est pour cela que, dans la définition de la clé, on a fait entrer un mot qui concerne la juridiction. Fin de la note. 3. Y a-t-il deux clés ou une seule? Comme le prêtre doit porter un jugement éclairé sur les dispositions du pénitent avant de le recevoir ou de l'exclure, on distingue deux sortes de clés. L'une consiste à prendre connaissance des dispositions du sujet et à les juger avec discernement, l'autre s'exerce dans l'absolution même. Elle suppose au fond la même autorité, mais elle se distingue quant à leur usage. L'une doit préparer l'autre. Note. Dans le sacrement de l'ordre, on reçoit deux clés, et non pas une seule, la clé de la connaissance, ou le droit de juger les consciences, et la clé du juge, qui lie ou délie. Voilà pourquoi le Seigneur promet à Saint Pierre, non pas seulement la clé, mais les clés du royaume des cieux. On verra plus loin, question 19, 3, que cette expression est encore susceptible d'une autre interprétation. Question 18. Des effets du pouvoir des clés. Le pouvoir des clés s'étend à la rémission du péché, à la peine éternelle, et parfois à la peine temporelle. Le prêtre peut lier et délier, mais non arbitrairement. 1. Le pouvoir des clés s'étend-il à la rémission du péché? Quoique Dieu seul remette les péchés comme auteur principal, le pouvoir des clés contribue à leur rémission, soit que le pécheur y ait actuellement recours, soit qu'il en forme le vœu. Le baptême lui-même agit comme instrument, et non comme principal agent. Note. Le sacrement de pénitence est à la fois le moyen préparatoire et l'instrument de la rémission des péchés. Fin de la note. 2. Les prêtres peuvent-ils remettre la peine du péché? Les prêtres remettent la peine éternelle méritée par le péché, mais ils ne remettent pas toujours en totalité la peine temporelle, le sacrement de pénitence différent cela du baptême. Note. De là l'obligation d'acquitter une peine satisfactoire. Si le pénitent est parfaitement contrit, rien n'empêche qu'il ne reçoive la rémission totale de la peine temporelle aussi bien que celle de la peine éternelle. La confession fréquente, accompagnée de l'absolution, obtient chaque fois une diminution de la peine, or l'augmentation de la grâce peut certainement avoir pour effet de remettre la peine entière. Fin de la note. 3. Le prêtre peut-il lier par le pouvoir des clés? Notre Seigneur a dit à Saint Pierre, « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 16, 19. Le prêtre peut donc lier aussi bien que délier. Le prêtre, il est vrai, délie directement le pénitent qu'il absout et ne lie qu'indirectement celui auquel il refuse l'absolution. Mais, si l'on envisage la peine que le péché mérite, il lie directement son pénitent en lui imposant l'obligation d'accomplir l'œuvre satisfactoire qu'il détermine. 4. Les prêtres peuvent-ils lier et délier arbitrairement? Un instrument n'a son efficacité que tant qu'il est mu par le principal agent. Saint Denis observe très bien que les prêtres, instruments et ministres de Dieu, doivent exercer leurs fonctions sous l'impulsion divine. Pour nous le marquer, notre Seigneur, avant de conférer à Saint Pierre le pouvoir des clés, l'assura que Dieu même lui avait inspiré sa confession, Matthieu 16, 17, et, avant d'investir ses apôtres de la puissance de remettre les péchés, il leur donna l'Esprit Saint, qui dirige les enfants de Dieu, Jean 20, 22. Un ministre qui aurait la présomption d'exercer ses fonctions en dehors de l'impulsion divine n'atteindrait pas son but, en s'écartant de l'ordre de la divine providence, il se rendrait coupable devant Dieu. D'ailleurs, les mêmes médecines ne convenant pas également à tous les malades, les peines satisfactoires indiquées dans les canons, au lieu d'être imposées indifféremment à tous les pénitents, doivent être modifiées selon le jugement du prêtre, d'après les inspirations de l'Esprit Saint. Si un médecin fait preuve de prudence en s'abstenant parfois de prescrire des remèdes d'ailleurs efficaces, dans la crainte qu'il ne soit dangereux à son malade, qui est d'une faible complexion, le prêtre, conduit par l'Esprit divin, prouve aussi sa sagesse en n'imposant pas toujours à son pénitent, pour ne pas le décourager, toute la peine qu'il devrait subir. On juge bien par là que les prêtres ne sauraient exercer arbitrairement le pouvoir de lier et de délier. Question 19. Des ministres des clés. Les prêtres de l'ancienne loi n'avaient pas le pouvoir des clés. Jésus l'a possédé dans toute son excellence. Les prêtres seuls, à l'exclusion des laïcs, jouissent de ce pouvoir. Les mauvais prêtres le conservent, tant que l'Église ne leur retire pas la juridiction. 1. Les prêtres de l'ancienne loi avaient-ils le pouvoir des clés? Les prêtres de l'ancienne loi ne possédaient pas le pouvoir des clés. Ils annonçaient bien ce pouvoir dans leur ministère et dans leurs sacrements, mais, comme le royaume des cieux ne devait pas être ouvert avant la passion de Jésus-Christ, leur sacerdoce ne s'étendait point au bien céleste, il s'arrêtait à ce qui en était la figure. Note. Ils n'avaient les clés que du tabernacle terrestre, figure des biens éternels. Fin de la note. 2. Jésus-Christ a-t-il le pouvoir des clés? Le pouvoir de faire une chose réside à la fois dans l'instrument et dans l'agent principal, mais d'une manière différente, il est plus parfait dans l'agent principal. Or nous possédons le pouvoir des clés seulement à titre d'instrument, au lieu que le Christ le possède en qualité de principal agent dans l'œuvre de notre salut. Il le possède d'autorité propre en tant qu'il est Dieu, et par ses mérites en tant qu'il est homme. Qui dit les clés dit le pouvoir d'ouvrir et de fermer, soit en qualité d'agent principal, soit en qualité de ministre. Donc le Christ a eu le pouvoir des clés à un degré plus élevé que les prêtres, il a eu le pouvoir d'excellence. Note. Les clés du Christ n'étaient pas les clés sacramentelles, elles en étaient le principe. Fin de la note. 3. Les prêtres ont-ils seuls le pouvoir des clés? On distingue deux sortes de clés, la clé d'ordre et la clé de juridiction. La clé d'ordre ouvre immédiatement le ciel par la rémission du péché. Les prêtres seuls la possèdent. La clé de juridiction ouvre seulement l'entrée de l'Église militante, à laquelle il faut appartenir pour aller au ciel, elle s'applique à l'excommunication et à l'absolution des censures dans le fort contentieux. D'autres que des prêtres, par exemple, les archidiacres, les prélats élus et non sacrés, etc., peuvent en être dépositaires. Mais une telle clé ne s'appelle qu'improprement clé du ciel, elle ne fait que disposer à celle-ci. Note. La juridiction spirituelle peut être possédée par une seule personne ou par plusieurs à la fois, un chapitre, par exemple, en est quelquefois investi. Les femmes ne doivent avoir ni la clé d'ordre ni la clé de juridiction, elles peuvent seulement exercer une certaine surveillance sur les personnes de leur sexe qui leur sont soumises et leur imposer quelques corrections. 4. Un homme, d'une grande sainteté pourrait-il, sans être prêtre, avoir l'usage des clés? L'action, dit Aristote, convient à celui qui a la puissance. Le pouvoir des clés n'appartient qu'aux prêtres, à eux seuls aussi en appartient l'usage. Il y a deux sortes d'agents, l'agent principal et l'agent instrumental. Celui-ci est simplement appliqué par l'agent principal à la production d'un effet. Or, dans l'exercice des clés, le Christ est, comme Dieu et comme homme, l'agent principal, aucun autre que lui ne peut en faire usage de son propre fond. L'homme ne saurait être qu'agent instrumental, quelles que soient donc les grâces dont un laïc soit enrichi, il ne produit point l'effet des clés, jusqu'à ce qu'il ait reçu, par le sacrement de l'ordre, la puissance de s'en servir, comme ministre. Note. On peut distinguer deux bénédictions, l'une que toute personne sainte peut mériter par ses actes propres et transmettre à une autre, puis la bénédiction spéciale qui vient des mérites de Jésus-Christ et où celui qui la donne n'agit que comme instrument, il faut, pour celle-ci, l'excellence de l'ordre, et non de la vertu. Fin de la note. 5. Les mauvais prêtres ont-ils l'usage des clés? S'il fallait être en état de grâce pour donner validement l'absolution, les fidèles ignoreraient s'ils sont absous de leur péché, qui peut savoir si un prêtre est en état de grâce? Dieu ne veut pas que les dons de sa libéralité soient anéantis par l'iniquité du ministre qu'il charge de nous absoudre. De même qu'il n'est pas essentiel à un instrument de ressembler à l'homme qui s'en sert, le prêtre, véritable instrument dans l'usage des clés, peut cesser de ressembler à Jésus-Christ, sans perdre pour cela l'usage des clés. 6. Les prêtres schismatiques, hérétiques, excommuniés, suspens ou dégradés, ont-ils l'usage des clés? Ces prêtres conservent le pouvoir des clés, si on le considère dans son essence, mais ils n'en ont pas l'usage, faute de matière, c'est-à-dire de sujets sur lesquels ils puissent l'exercer. L'Église peut soustraire ses enfants à l'autorité de qui elle veut, puisqu'elle prive de juridiction les hérétiques, les schismatiques, etc., en leur retirant leur sujet, soit d'une manière absolue, soit sous certains rapports. Ils ne sauraient faire usage de leurs clés sur les fidèles qu'elle a soustraits à leur juridiction. Note. C'est ainsi qu'un prêtre ne pourrait pas consacrer, si on ne laissait à sa disposition aucun pain de froment. Le prélat frappé d'interdiction pourrait encore baptiser et consacrer, mais pour sa condamnation. Question 20. De ceux sur qui peut s'exercer le pouvoir des clés. Pour exercer le pouvoir des clés, il faut un pouvoir de juridiction. Il y a, de plus, des cas réservés. Un prêtre peut parfois exercer le pouvoir des clés à l'égard de son supérieur. 1. Un prêtre peut-il exercer le pouvoir des clés sur toute personne? De même que, dans la hiérarchie céleste, sous les puissances qui président à tout indistinctement, il y a les principautés auxquelles est dévolu le gouvernement d'une province, et, sous les principautés, les anges préposés à la garde de chaque homme en particulier, de même, dans la hiérarchie de l'Église militante, outre le chef dont l'autorité s'étend indistinctement sur le monde entier, il doit y en avoir d'autres qui, avec subordination à sa puissance, aient une juridiction distincte sur plusieurs fidèles. Or, comme l'usage des clés requiert une juridiction en vertu de laquelle ceux sur qui il s'exerce deviennent sa matière propre, celui à qui la juridiction appartient indistinctement sur tous peut exercer sur tous son pouvoir des clés, au lieu que ceux qui ont reçu sous lui des juridictions distinctes, ne pouvant exercer leurs clés sur toute personne indistinctement, doivent les restreindre aux fidèles dont la direction leur est échue en partage, à l'exception du cas de nécessité dans lequel les sacrements ne doivent être refusés à personne. Note. Il faut, pour l'absolution d'un péché, deux sortes de pouvoir, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Le premier se trouve dans tous les prêtres, il n'en est pas ainsi du second. Notre Seigneur, qui donna à tous les apôtres en commun le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, Jean 20, 22, confia à Saint Pierre en particulier le pouvoir de lier et de délier, Matthieu 16, 19, pour nous faire entendre que l'usage du pouvoir d'ordre doit être subordonné à celui de Pierre et s'exercer sous sa juridiction. Fin de la note. 2. Un prêtre peut-il toujours absoudre les fidèles soumis à sa juridiction? Le pouvoir d'ordre s'étend à la rémission de tous les péchés, mais, comme il doit être accompagné du pouvoir de juridiction qui descend des supérieurs aux inférieurs, le supérieur a le droit de se réserver l'absolution de certains cas, à l'égard desquels il ne donne aucune autorité à son subordonné. Note. Pour les cas réservés, les prêtres doivent consulter le rituel et les statuts du diocèse où ils se trouvent. Fin de la note. 3. Un prêtre peut-il exercer le pouvoir des clés à l'égard de son supérieur? Les supérieurs ecclésiastiques, sujets aussi à des infirmités spirituelles, ne sont pas exemptés du péché, qui a son remède dans le pouvoir des clés. Ne pouvant être à la fois juge et accusé, ils ont besoin de trouver dans leurs inférieurs quelqu'un qui puisse les absoudre. Le pouvoir des clés, avons-nous dit, est applicable à toutes sortes de pécheurs, seulement il peut être restreint à l'égard de quelques-uns, s'il plaît au supérieur d'étendre la juridiction de son subordonné. Il peut très bien lui permettre d'exercer sur sa propre personne le pouvoir des clés, quoiqu'il ne puisse se servir pour lui-même d'un tel pouvoir, qui demande, dans son exercice, un sujet autre que soi sur lequel on est juridiction, on n'est pas le sujet de soi-même. Note. L'évêque qui reçoit l'absolution d'un simple prêtre devient son subordonné comme pécheur, il n'en demeure pas moins son supérieur sous tous les autres rapports. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.